Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Des révolutions du globe. Créations successives d'après Cuvier. Cataclysme à l'intérieur de notre planète, espèces animales englouties, leur remplacement par de nouvelles espèces, théorie de Cuvier sur les créations successives sont peu de fondement, lui-même la désavoue, explication satisfaisante qu'il lui substitue, il y a unité de règne animal, de Blainville en conclut l'unité de création, extinction naturelle de certaines espèces. Quelques exemples à l'appui nécessité de décrire la période glaciaire et le déluge biblique. Ce n'est pas uniquement à la surface du globe qu'on observe les traces de révolution, révolution dont l'homme n'a été, hélas, que trop souvent l'instrument. La géologie démontre que l'intérieur de notre planète a éprouvé, de même, les plus terribles cataclysmes. Seulement, cela ont été le fait des éléments conjurés. Nul doute, par exemple, qu'à certaines époques les eaux, par des invasions subites, aient englouti des continents tout entiers, au point d'amener l'anéantissement des espèces animales qui les peuplaient. Ce dernier résultat avait tellement frappé Cuvier que, voyant les espèces qui leur avaient succédé offrir des caractères différents, il n'avait trouvé d'autre moyen d'expliquer cette repopulation du globe que d'admettre que chaque nouvelle espèce avait été l'objet d'une nouvelle création, d'où sa fameuse théorie des créations multiples et successives. Cette théorie, il faut en convenir, était peu compatible avec l'idée que nous nous faisons de la puissance et de la majesté divine. Et quoi? Dieu aurait à plusieurs reprises détruit et refait son œuvre, avant d'arriver à une production stable, un peu à la manière d'un peintre qui essaie ses couleurs jusqu'à ce qu'il ait obtenu la nuance désirée. Disons-le tout de suite. Le seul argument géologique de quelque valeur que Cuvier put invoquer à l'appui de sa thèse a été démenti par la géologie elle-même, en ce qu'elle a rencontré des fossiles d'une époque mêlés à des fossiles d'une autre époque. Donc les espèces animales n'avaient pas été anéanties en entier, sans quoi aucun survivant de la catastrophe n'aurait pu se trouver mêlé à l'espèce qui avait pris sa place. Rendons du reste cette justice à Cuvier. L'homme le plus effrayé de sa thèse, c'était lui-même, témoin ses déclarations. Lorsque, dit-il, je soutiens que les bancs pierreux contiennent les os de plusieurs espèces qui n'existent plus, je ne prétends pas qu'il ait fallu une création nouvelle pour produire les espèces aujourd'hui existantes. Je dis seulement qu'elles n'existaient pas dans les lieux où on les voit à présent et qu'elles ont dû y venir d'ailleurs. Voilà qui change singulièrement la thèse, s'il s'agissait d'un autre que Cuvier, je dirais que c'est habilement battre en retraite. Les développements dont il fait suivre cet aveu ou plutôt ce désaveu me semblent donner la solution vraie du problème. Supposons, dit-il, qu'une grande irruption de la mer couvre d'un amas de sable ou d'autres débris le continent de la Nouvelle-Hollande, elle enfouira les cadavres des kangourous, des péramels, des phalangés volants, des échidnés, etc., et elle détruira entièrement les espèces de tous ces genres, puisqu'aucun d'eux n'existe maintenant en d'autres pays. Que cette même révolution met à sec les petits détroits multiples qui séparent la Nouvelle-Hollande du continent d'Asie, elle ouvrira un chemin aux éléphants, aux rhinocéros, aux buffles, aux tigres et à tous les autres quadrupèdes asiatiques qui viendront peupler une terre où ils auront été auparavant inconnus. Qu'ensuite un naturaliste, Après avoir bien étudié toute cette nature vivante, s'avise de fouiller le sol sur lequel elle vit, il y trouvera des êtres tout différents. Mais il n'en conclura pas pour cela qu'ils ont été l'objet d'une création spéciale antérieure. Il me semble que Cuvier a été rarement mieux inspiré que dans ce passage. Ainsi donc, il n'y a pas un double règne animal, un règne fossile et un règne vivant, il y a unité de règne. C'est ce qu'a parfaitement fait ressortir de Blainville, quand il a dit « Chaque règne pris isolément n'est qu'une partie de l'autre. Les fossiles viennent se placer auprès de leurs congénères vivants, ils s'adaptent, ils s'ajustent l'un à l'autre, exactement comme les parties arrachées d'un bas-relief retrouvent leur place dans une restauration du bas-relief entier. De cette unité de règne découle forcément l'unité de création. L'unité de création. Mais nous voici ramenés en pleine Bible, or, ici encore, c'est Moïse qui a raison de la science égarée un instant sur les pas de Cuvier. Quant au fait de l'anéantissement complet de certaines espèces animales, il n'est pas douteux qu'en plus des grands cataclysmes dont nous venons de parler quelques-unes aient dû s'éteindre naturellement, de leur belle mort, comme on dit. Il en serait donc de l'existence des races comme de celle des individus, elles disparaîtraient, à un moment donné, par une sorte de loi inexorable du destin. Empruntons comme preuve quelques faits à l'histoire. Qu'est devenu, par exemple, le fameux sanglier d'Érymanthe, si répandu autrefois dans toutes les îles de la Grèce? Qu'est devenu le cerf à bois gigantesque, que les Romains faisaient venir d'Angleterre à cause de la succulence de sa chair et de sa délicatesse? Qu'est devenu le lion à crinière frisée dont il est si souvent parlé dans les croisades? Vainement vous en chercheriez aujourd'hui un seul individu vivant. Mais, sans remonter si loin, parlons de ce qui s'est passé sous nos yeux. Il y a quelques années à peine, l'espèce de chien appelé Roquet, après s'être réfugiée dans la loge des portières dont elle partageait du reste l'humeur acariâtre, a fini par disparaître entièrement, j'avoue que je la regrette peu. Je regrette bien davantage ces pauvres castors qui, il y a moins de 2 siècles, égayaient encore les bords de la Bièvre de leur joyeux ébat et de leur charmante construction. On les a traqués comme des bêtes fauves pour leur prendre leur fourrure. Qu'en est-il résulté? Qu'ils ont disparu en entier de notre continent et que très probablement le moment n'est pas loin où ils disparaîtront complètement du globe. Rappellerai-je, à ce propos, qu'il n'existe plus depuis longtemps un seul loup en Angleterre? On ne saurait toutefois méconnaître que ce sont les révolutions dont notre planète a été le théâtre qui ont porté les plus graves atteintes à l'existence des êtres qui peuplaient sa surface. Deux surtout méritent, à titre différent, de fixer notre attention. Elles sont connues sous les noms de période glaciaire et de déluge biblique. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.